Matou, je suis le lutin du Père Noël et je vais vous expliquer le principe du calendrier. C'est un calendrier mais sonore. Et chaque jour, on ouvre une case. Et aujourd'hui, on est le 15 décembre. Je l'ai ouvert, c'est bon. Oh, on a deux invités. Salut les amis, c'est Titou. Et la Mère Noël. Alors, Titou, tu voulais poser quelques questions à la Mère Noël, je crois. Oui, quelques-unes. La première question est... Avez-vous déjà remplacé le Père Noël pour aller distribuer les cadeaux ? Oui, je l'ai déjà remplacé parce que le Père Noël avait oublié de garder ses chaussettes pour dormir. Oh ! Et du coup, il était malade ? Il avait un gros rhume. Et vous savez ce qu'il fallait faire pour distribuer les cadeaux ? Les lutins vous ont aidé ? Les lutins et mes reines également. Vos reines et ceux du Père Noël, bien sûr. Est-ce que vous vous êtes déjà disputé avec le Père Noël ? Oh oui ! Parce que avant Noël... Le Père Noël a un sommeil très agité parce qu'il pense à tous les jouets qu'il va falloir aller distribuer aux enfants. Et il a très peur qu'un de ses lutins ne soit malade pour l'aider. Et du coup, il est énervé et moi, je ne peux pas dormir. Ah oui, ça doit être dur. Et il ronflait ? Bah oui, il ronfle, il s'agite dans le lit et moi, je ne peux pas dormir. Merci. Est-ce que le Père Noël vous offre des cadeaux le réveillon de Noël ? Oui, il m'offre aussi des cadeaux. Il m'a offert une très belle écharpe. Des gants, un bonnet. C'est pour pas avoir froid, je suppose. Il fait très froid en Laponie. Oui, et puis je suis très vieille maintenant. Ah bon ? Et vous avez quel âge, Mère Noël ? Ça ne se demande pas, mon âge. Mais je suis plus vieille que l'Himalaya, mon enfant. Quelle est ta couleur préférée, Mère Noël ? Bah, le rouge. Quand le Père Noël est avec son habit tout rouge, je craque. Ah oui, c'est une super couleur. Nous aussi, on adore. On en porte souvent quand on va aider le Père Noël. Autre question. Quelle est la boisson préférée du Père Noël ? Le Père Noël adore le vin chaud. Et parfois, les petits lutins lui faisaient une petite blague en lui donnant un verre de lait. Mais le Père Noël préfère un verre de vin chaud. Oui, je me souviens, on avait raconté une des bêtises dans le genre, dans le calendrier de l'Avent. Un dernier petit mot pour tous les enfants ? Je vous souhaite un joyeux Noël à tous les petits-enfants de tous les pays. Je vous aime et je souhaite que vous soyez tous gâtés. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. À bientôt, Mère Noël. Au revoir. À bientôt, mon petit lutin.